Le réel n'est pas le monde. Il n'y a aucun espoir d'atteindre le réel par la représentation. Le réel, du même coup, n'est pas universel. C'était pour illustrer la vanité de tout coït avec le monde, c'est-à-dire de ce que on a appelé juste ici la connaissance.